Les yeux endormis filent éternels sur nos cœurs éperdus coule la Seine. You had this je ne sais quoi that made me feel so oulala. I'm sitting next to you et voilà. Une coquette rencontre un coquin, il comprend pas l'américain, elle ne sait pas parler le parisien. On sait plus s'en faire d'artifice, aux 12 coups de minuit sur la piste, nos corps enlacés se sont envolés. Not really that good for the dance, but when I'm with you, I'm so entranced. Feels like I'm making love to France. Pas de deux pour ménage à trois, pas moi et Paris au savoir. Ça ne fait rien si on se réveille pas. Alors, bada boom, bada bada bada boom, bada bada bada boom. Today is fussy day. Bada boom. On s'est aimé toute la nuit et les journées qui ont suivi. À Paris, les coups de foudre, c'est pour la vie. Bada boom, bada bada bada boom, bada bada bada boom. Today is Bassy Day. Bada boom, bada bada bada boom, bada bada bada boom. Le regard de juillet. Bada boom, bada bada bada boom, bada bada bada boom, bada bada bada boom, le regard de juillet.